Brutaire, brutaire, brutaire, brutaire, brutaire, brûlé au vent des langues de terre, brûlé au vent des langues de terre, brûlé au vent des langues de terre.